si simple, je vois pas les choses comme je les voudrais. Y'a pas d'amour, en tout cas la haine, bah je l'ai trouvé. Je suis wanted, et là je risque de me faire trouver le peurat. C'est une façon de m'exprimer. On va pas se mentir, on est loin du paradis. Moi je garde le sourire, même si je tape dans le vide. Ici c'est la même story, les mêmes sourires. J'ai envie de m'évader, d'écrire des pages et je me sens libre. Aujourd'hui il faut que je tente ma chance, il faut que je tente l'amour. Il faut que je monte la pente, il faut que j'esquive tous les coups. Il faut que je guette autour, non je veux pas rester dans mon petit nuage. Comme Son Goku, la vie nous joue des tours, je calcule même plus les coups. Ici tout le monde va vite mais c'est pire qu'une course. Nous on se débrouille et on guette autour, y'a plein de vautours. Bah on écoute comme un navire on coule. On vit le jour et on vit à notre rythme. C'est notre dernier recours, alors faut agir vite. On court, on court. On court, on court. On court, on court. On vit le jour et on vit à notre rythme. C'est notre dernier recours, alors faut agir vite. On court, on court. On court, on court. On court, on court. Je vis le jour sans même penser au lendemain. Car je ne peux ne pas être là. Mais ça, ça ne fait rien. J'avance sans regarder mon chemin. Tout peut arriver. Et ça, un moment si attends-le-moi, tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Moi j'avance en esquivant les coups de serein. Un pour tous, tous pour un. Telle est la devise. Tu redis croire quand c'est en temps de crise. Regarde autour de toi toutes ces personnes qui te visent. Dans cette vie n'y a plus d'espoir que du mal de vivre. Les gens ne savent plus en qui croire. Cela est un signe. Ne nous écoute pas. Nous on a des rires véridiques. Pitié tout ça venant de vous dire. Pas d'enfants prodiges. Juste ces enfants qui sont tristes. On n'a pas le mal de mer, mais le mal de vivre. On n'a su pas les mères. Juste cette putain. On vit le jour et on vit à notre rythme. C'est notre dernier recours. Alors faut agir vite. On court, on court. On court, on court. On court, on court. On vit le jour et on vit à notre rythme. C'est notre dernier recours, alors faut agir vite. On court, on court. On court, on court. On court, on court. On vit le jour et on vit à notre rythme. C'est notre dernier recours, alors faut agir vite. On court, on court. On court, on court. On court, on court. On vit le jour et on vit à notre rythme. C'est notre dernier recours, alors faut agir vite. On court, on court.